Les petites histoires de Tell Me. Un été incroyable, épisode 5. L'accident de vélo. Un foot ? Non, t'es tellement fort que c'est même plus drôle. On peut aller à la plage ? J'ai envie de bouger, pas de bronzer. Alors on a qu'à construire une nouvelle base secrète ? On en a déjà 5. Bon, on va pas y passer 1000 ans. Chacun écrit ses idées d'activité sur un bout de papier et on demande à mamie de tirer au sort. Je n'étais vraiment pas inspiré, mais j'avais drôlement envie de framboises, alors j'ai mis « cueilleur des framboises ». Et puis, j'ai proposé aussi de faire une compète de jeux de société. Lana, c'était tout le contraire. Elle en a écrit 10. Arthur, seulement une. On les a déposées dans sa casquette, et puis on est allé voir mamie. Elle a pris son rôle très au sérieux. Les yeux fermés, elle tira au hasard un papier. Rando à vélo. Arthur leva les bras au ciel en faisant le V de la victoire. Il avait trouvé un nouveau parcours, plein de bosses, à travers la forêt et les champs. Il y avait même une maison abandonnée. Il avait hâte de nous faire découvrir tout ça. Même si on était un peu vexés d'avoir perdu, Lana et moi, l'idée d'Arthur nous plaisait au fond. Comme lui, on adorait faire des balades à vélo. Enfin, lui, encore plus que nous. Il était inscrit dans le club cross-country. Le truc, c'est que nos VTT étaient restés dans le garage de mamie toute l'année. Ils étaient couverts de poussière, les pneus étaient à plat et les chaînes faisaient un bruit de crécelle. On s'est retroussé les manches et après un bon coup de chiffon, quelques gouttes d'huile en plus d'un regonflage énergique, ils étaient prêts à affronter bosses, ornières et chemins forestiers. On enfila nos protections et on s'élança derrière Arthur, parti comme une fusée, trop pressé de nous montrer la vieille maison. Le chemin qui passait à travers la forêt était très accidenté. Dès qu'une bosse se présentait, Arthur fonçait dessus pour faire une figure. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Lana ne se dégonflait pas, il suivait. Moi, je préférais y aller tranquillement. On déboucha sur une prairie. Arthur roula jusqu'à un coin de terre retourné. « La maison ! Je vous promets qu'elle était là ! Avec un toit en tôle, des vitres café et des tas de vieux trucs à l'intérieur, comme dans un film après l'apocalypse !» Quelqu'un a dû la raser ? C'est pas grave, on n'a qu'à continuer. La déception d'Arthur est vite passée. Il a recommencé à pédaler comme un fou en faisant des tas de sauts. Il n'arrêtait pas de parler et de se retourner pour voir si on arrivait à le suivre. Il faut dire qu'on se traînait un peu. En même temps, il avait un vrai vélo de compète. On réussit à sortir du champ pour revenir sur la route. Arthur fonçait comme une bombe en poussant des cris de joie. Une belle bosse se présenta. Il s'envola et plutôt que de retomber sur la route, il disparut dans un fossé. On fonça à sa rescousse. La tranchée était assez profonde. Arthur rigolait comme un phoque étalé sur un épais lit d'herbe. On se demandait s'il avait pris un coup à la tête. Son vélo, lui, faisait de la peine. Avec sa roue avant pliée, son guidon tordu, son pédalier cassé et sa chaîne déraillée. « Ça va ?»« Ouais, rien de cassé. Oh la vache, quelle gamelle !» Par contre, ton vélo, c'est une autre histoire. Il a l'air fichu. » Arthur cessa de rire. Quand on réussit à le sortir de là, il fut pris de vertige. Il était plus amoché qu'il ne le pensait. Son genou saignait, son bras droit ressemblait à celui d'un schtroumpf. On devait le soigner. Il contempla un instant sa monture échouée au fond du fossé et on lui promit de venir la rechercher. Je lui ai prêté mon vélo et je suis rentré en courant. En voyant l'état d'Arthur, mamie et les parents n'eurent pas l'air étonnés une seule seconde. Maman le sculpta, il n'avait rien de cassé. Elle soigna son genou en un clin d'œil et passa de la pommade sur son bras. Mamie nous prépara un bon goûter pour nous remettre de nos émotions. Dès qu'Arthur retrouva assez de force et de couleur, il voulut repartir chercher son vélo. Les parents nous proposèrent de l'aide, mais il refusa un peu par honte et beaucoup par fierté. On retourna sur les lieux de l'accident. Le vélo n'était plus là. Arthur tira une tête de 46 km de long. Mais qui a pu voler un vélo tout cassé ? Peut-être que ce sont les roitelets des sables. Ils n'avaient pas l'air très heureux quand on a gagné la chasse au trésor. En même temps, on a gagné des friandises gratuites pour toutes les vacances. C'était un prix de rêve pour ces trois paupiètes. T'inquiète pas, on va aller leur reprendre. On rentra bredouille. Pour la première fois, on vit Arthur tout nuageux. Il traînait des pieds et shootait dans le moindre caillou qu'il croisait. Quand on est arrivé chez mamie, papa proposa de le ramener chez lui et cette fois, il ne refusa pas. Le lendemain, on se retrouva sur la place du village très tôt, avec une seule idée en tête, coincer les voleurs. On savait où les trouver. Sur la plage, leur royaume, où ils embêtaient tous les enfants jusqu'à ce qu'ils craquent et leur donnent leur goûter. Évidemment, ils étaient à leur poste, vautrés sur leurs grandes serviettes, engloutissant un paquet de gâteaux chacun. Quand ils nous virent nous approcher, ils se levèrent et nous dévisagèrent de leurs petits yeux porcins. Arthur serrait les poings, tremblant de colère. « Rendez-moi mon vélo !»« Qu'est-ce qu'on ferait d'un vélo, pauvre naze ?»« Essayez pas de m'embrouiller, the fait que vous me l'avez piqué !»« Mais de quoi tu me parles ?»« Vous l'avez trouvé dans le fossé, et vous l'avez pris, pour nous faire payer d'avoir gagné la chasse au trésor !» On s'en fiche de votre premier prix pourri. On a eu le deuxième, une gaufre au chocolat chantilly gratuite jusqu'à la fin de l'été. Tu promets que c'est pas vous? Je te promets tout ce que tu veux, princesse. Pourquoi tu lâches pas ces minables pour notre bande? Lana grimaça et tourna les talons. On passa toutes les ruelles du village au peigne fin, à la recherche d'indices, en vain. Usé et désespéré, on s'assit devant la fontaine sur la plage du village. Si c'est pas ces trois nazes, qui a pu te voler ton vélo? Tu as un ennemi dont tu ne nous as pas parlé? Non, je m'entends bien avec tout le monde. Et puis, il n'y a jamais eu un seul vol dans ce village. Ça serait une première. Ça serait même une vraie catastrophe. Arthur, c'est pas ton vélo, ça? Arthur bondit. Lana hurla après le voleur. Le voleur accéléra. Ma cousine fonça prendre son vélo. Je sautai sur le mien. Le voleur nous distançait. Derrière nous, Arthur piquait le sprint de sa vie. Le voleur tourna à droite, à gauche, à droite, à gauche, accéléra encore. Il allait nous semer, mais un bout de bois se prit dans sa roue et l'envoya valdinguer dans un buisson. Ma cousine bondit de son vélo pour reprendre le VTT d'Arthur. Le voleur se releva en grognant. Mais surprise, c'était une voleuse. Ça va pas te poursuivre les gens comme ça? Tu manques pas de culot? T'as volé le vélo de notre copain? Arthur débarqua rouge comme une tomate. On aurait dit un poisson hors de l'eau tellement il n'arrivait pas à reprendre son souffle. Arthur, c'est ton vélo, ça? Salut, Violette. Oui, c'est le mien. On peut pas dire que t'en prennes vraiment soin. On l'a trouvé avec papa presque plié en deux sur le chemin des Mirades. Il n'était pas du tout à l'abandon. On allait venir le reprendre. Comme si je pouvais le savoir. Je voulais juste le réparer. Alors pourquoi t'as pris la fuite? Je vous ai pris pour l'autre bande de gras du bide. Et la dernière chose dont j'ai envie, c'est de les voir. Mais pourquoi t'as pris le vélo? Pour l'amener au garage de mon père. On l'a tout retapé. Je faisais un tour pour l'essayer. Tu répares les vélos? Ouais, des motos aussi. Mais c'est pas demain que je pourrais en conduire. Merci, Violette, et désolée. Pas grave, j'ai rien de cassé. Pas même une écorchure. Par contre, la roue avant de ton vélo est encore voilée. Vous voulez passer au garage? Elle nous a demandé ça en lâchant un grand sourire. Ses dents blanches, pleines de bagues, m'ont donné chaud aux joues. Violette et Lana sont devenues copines instantanément. Moi, je disais rien. J'avais peur que mes mots ne se mélangent. Le garage du père de Violette était un hangar gigantesque dans lequel il y avait des tas de vieilles voitures, de motos et même un vieux camion qui attendait d'être réparé. Il y avait des vélos par centaines. Elle nous apprit que l'été, son père en louait. Pas étonnant qu'elle sache aussi bien en prendre soin. En deux coups de cuillère à peau, elle dévoila la roue du VTT. Et sans transition, elle nous demanda si on était partant pour aller faire une rando à vélo. Elle connaissait un coin super qui pourrait nous plaire. Arthur et Lana lui répondirent avec un oui, franc et joyeux, tandis que moi, en rougissant, je ne réussis à bredouiller qu'un timide « ah, n'a pas » qui voulait dire « pourquoi pas ». J'espère que cet épisode d'Un été incroyable vous a plu. Une activité à télécharger accompagne cette histoire. Le lien de téléchargement se trouve dans les notes de l'épisode ou sur telming.com/été. telming.com/été. Retrouvez la suite des aventures de Lana, Ilyes et Arthur jeudi prochain. Cet épisode a été écrit par Cécile Rubin. Karine Texier et Arnaud Guillou l'ont raconté. Olivier Danchin l'a illustré. Prise de son, Abel Chéré. Montage et mixage, celle-ci en langlois. Il était une fois un petit livre qui partait à la rencontre des grandes figures de la littérature. Ce mois-ci, nos héros parcourent les alpages suisses avec la célèbre Heidi. Biquette, sa chèvre préférée, a disparu. Paloma, Enzo et leur chien Pipo vont mener l'enquête pour la retrouver. Alors on ouvre l'œil et on tourne les pages. Toute l'année dans le Happy Meal, retrouvez une collection de livres pour enfants écrits par Catherine Pancol et illustrés par Lespelli pour partager ensemble une histoire incroyable.